notre tango avec Paul Maurice. La huella. Cuidadito muchacho, que ahora viene el tango. Je ne suis pas un gaucho, je suis tout bonnement parigot. Porteño. Et je suis venu ce soir os pour vous fabriquer un tangos. Tant pis si ça n'est pas très bien, nous ne sommes pas des Argentins. Et si comme moi vous êtes fauché, on serait plutôt des Argentés. Et mon tango est un tango, patito compañero, un vrai tango, un tango comme tous les tangos. Pour qu'un tango soit un tango, il suffit que ce soit un tango. Un tango, c'est un tango. Je n'habite pas Buenos Aires, dans ce pays-là qui fait trop chaud. Ce sorreo. J'habite rue de la Glacière, dans une glacière on a moins chaud. Là-bas on n'y voit que du Rio, Rio de la Plata, Rio de Janeiro. En France on n'a même pas un Rio. Ainsi pourtant le Trocadéro est mon tango, est un tango, un vrai tango qui fut conçu par un dingo. En le chantant, on devient idiot, en l'écoutant. Un tango, c'est un tango. Pour qu'un tango soit un tango, il suffit que ce soit un tango. Un tango, c'est un tango. Voici donc Montel, elle était souriante. Un jour, une petite châtelaine enlevée par des Romains Michel fut mise dans une chambre malsaine tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère rieur prit joyeusement son malheur. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosa des petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Les brigands furieux de la voir rire lui attachèrent les mains, les pieds, puis par ses cheveux la pendirent au plafond en face du plancher, puis la laissant là, les voyous allèrent chez le bistrot boire un coup. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie. Chaque soir, elle arrosa ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Le bandits jaloux de son courage la prennent comme un diplodocus, la jettent du 23e étage, son corps tomba devant l'autobus. L'autobus qui l'attendait que ça, sur la belle aussitôt passa. Le lendemain, elle était souriante, à sa fenêtre fleurie, chaque soir, elle arrosait ses petites fleurs grimpantes avec de l'eau de son petit arrosoir. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Léo Marjan, mon ange. Reliant les quais, pour qui se promène semble sur la scène autant de bouquets. Quelques badauds tristes regardent l'artiste au talent trop neuf, qui peint en orange une chose étrange qu'il croit le pont neuf. Mais près du Pâques, Montsouris, quand l'orgue de Barbarie joue de vieux airs de Paris au bas de ma rue, on sent monter en son cœur comme une étrange douceur et la chaleur ingénue d'un peu de bonheur. C'est si peu banal

où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir en se fendant de larmes ou de rire. Voilà pourquoi la domicole, j'aimerais toujours le musical, j'aimerais toujours, toujours, toujours, toujours, toujours le musical. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Le titre, tout simplement, La Petite Voleuse. Je suis une petite voleuse, je vole le soir et matin, mais je ne suis pas dangereuse, car je ne vole que des petits riens. Moi, je ne vole que des sourires à tous les jolis garçons, je ne fais ça que pour rire. Tirez pas de conclusion, je ne suis pas méchante pour ça, car j'ai toujours le cœur sur la main. Je ne prendrai pas gros comme ça si je n'en avais pas besoin. Je suis une petite voleuse, une voleuse de baisers. Je suis pas mal amoureuse, avions intéressés. Je ne vole pas de diamants et je ne prends pas d'argent. Je n'ai jamais pris une épingle, voilà bien ce qui me distingue. Je suis une petite voleuse et je vole le soir et matin, mais je ne suis pas dangereuse car je ne vole que des petits riens. J'aime bien qu'on me taquine, qu'on dise que t'en pars de tout. Il y a une chose qui me chagrine, c'est qu'on me traite de fille. Après tout, ce n'est pas si bête, messieurs, de voler votre cœur. Quand au fond de ma petite tête, je cherche un peu de bonheur. Je suis une petite voleuse et je volerai toujours. Je volerai pour être heureuse sur les ailes de l'amour. Je me fiche des biens terrestres, je suis une voleuse romanesque. C'est vraiment un beau métier, quand je prends c'est pour donner. Je suis une petite voleuse, oui je vole le soir et matin, mais je ne suis pas dangereuse, car je ne vole que des petits riens. Moi je ne vole que des sourires à tous les jolis garçons, je ne fais ça que pour rire. Tirez pas. C'est une histoire du temps passé, échappée. Essentiel, un amour de FM. Voici donc bien les programmes pour cette journée, fin d'après-midi, et puis pour demain samedi. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission Manu avec l'émission Découverte, juste après entre 19h et 20h30, Carla. Et puis juste après entre 20h30 jusqu'à minuit, vous allez retrouver Almeno avec l'émission Marika. Et il recevra des invités. Sera donc eh bien déjà samedi, et puis donc à partir de 9h, eh bien vous allez retrouver tout simplement Christine. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração.

tu sois près de moi. J'aime te regarder, j'aime entendre ta voix. Je ne sais pas ce que ça me fait, c'est tout ce que tu me plais. Allez, allez, viens, ne fais pas cette tête-là. Allez, ne dis rien, je t'emmène avec moi. T'as peut-être pas bon caractère, c'est quand même toi que je préfère. Mais ne me demande pas pourquoi. Allez, allez, viens, je veux t'entendre rire. J'aime, j'aime bien tes folies, tes délires. J'aime te voir danser, tourner, t'étourdir, jusqu'à ne plus penser, jusqu'à tout oublier. Allez, allez, viens, je connais tes désirs. Allez, je sais bien ce qui te fait plaisir. Tout ce que tu as dans la tête, je le lis dans tes yeux, c'est bête. Tu vois, il ne faut pas me mentir. Qu'est-ce que ça peut bien faire que j'ai tort ou non? Quand on est sincère, on a toujours raison. On peut bien me dire que je vis d'illusion. Je m'en fous, tu le sais, je n'aurai pas de regrets. Allez, allez, viens, tu verras, j'ai changé. Même mes copains sont maintenant rangés. Je n'irai plus faire la fête avec eux si ça t'embête. Allez, allez, viens, on va s'aimer. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonne année! Bonne année! Meilleurs vœux à tout le monde! Ce sont les vœux de... Capanigla! En cette nouvelle année, le groupe Capanegra se lance un grand défi puisque nous organisons une soirée dansante le samedi 19 janvier à partir de 19h30. Où ça? À la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Et c'est quoi comme grand événement? Eh bien, c'est une soirée dansante avec un repas. Au menu de ce repas, lombe de porc. En francesinha. Alors venez très très nombreux soutenir notre grand projet de 2019 qui est un album au nom de Capanegra. Venez très très nombreux le samedi 19 janvier à partir de 19h30 pour ce grand repas dansant. Au programme de ces festivités, il y aura... le groupe Ventania Musical. Et bien sûr... Capanegra. À

quitté, ton beau rêve est fini. Il n'y faut plus penser, tu dois danser. Et si ton cœur ballerine est lourd, fais semblant d'ignorer le poids de ta souffrance. Et puis souris toujours, ceux qui sont là ce soir sont venus pour te voir, malgré ton désespoir. Danse, ballerine, danse, danse, danse. Ramucho avec André Dassari. Sa cabane couronnée par le massif des Pyrénées, comme un aigle tout là-haut habite Ramuncho. Portant fusil en bandoulière, il va partout l'allure fière, guettant dans ses traquenards le sauvage Isard. Il partage tous ses jours entre la chasse et l'amour. Ramuncho, c'est le roi de la montagne. Ramuncho, quand il appelle sa compagne, il crie, ma gachoucha, je t'aime. L'écho répond. Depuis qu'il domine l'Espagne, de Roncevaux à la campagne, il connaît tous les sentiers, les grottes, les terriers. Et libre comme les nuages, sous l'avalanche ou dans l'orage, les sangliers comme les loups tombent sous ses coups. Mais les filles du pays n'ont de regard que pour lui. Ramuncho, c'est le roi de la montagne. Ramuncho, quand il appelle sa compagne, il crie, ma gachoucha, je t'aime. L'écho répond. Prêter la patte à ce gros matou, il a mis sa griffe sur ton gagne-tout, et tu déambules la bouche en virgule entre deux bistrots, lui à la pendule compte le magot. Petite souris, petite bergère, tu étais jolie, jolie et légère, dans la bruyère de Quimperlé. Petite souris, le ciel de Bretagne a gardé le goût de ta lèvre rose dans la bruyère de Quimperlé. Tu étais la fée des bois et des pierres, la fleur préférée de Paul et de Pierre dans la bruyère de Quimperlé. Petite souris, t'avais tous les charmes, à minuit parfois il y a des larmes dans la bruyère de Quimperlé. Petite souris, t'as donné ton âme à ce gros vilain. Il a pris ta flamme dans sa grande main. Tu n'es plus qu'une ombre qui glisse et qui sombre sur le pavé gris, très gris et très sombre, du lointain Paris. Petite souris, petite bergère, tu étais jolie, jolie et légère, dans la bruyère de Quimperlé. Sais-tu que le soir, quand le vent tourmente, on croit te revoir, et c'est toi qui chantes dans la bruyère de Quimperlé. On parle de toi comme d'une image, on dit que tu dois penser au village dans la bruyère de Quimperlé. Petite souris, jolie et légère, dis tu reviendras jouer les bergères, et tu oublieras cette chanson-là dans la bruyère de Quimperlé. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pour le samedi et pour le dimanche, eh bien, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, vous allez retrouver les samedis latinos avec Sabrina, suivi de 16h jusqu'à 18h. Michel, le petit bal du samedi soir, et puis apparemment, il va recevoir des invités, donc eh bien demain. Donc aussi à 18h jusqu'à 20h. Voici donc Porte Ouverte au sport avec José, Armel Giraud et Bruno. Deux heures de show avec Karim Nordine. Tous les samedis soirs, 20h-22h sur Radio Arc-en-Ciel, Orléans. Et puis donc, pour le dimanche, à partir de 8h jusqu'à 10h, vous allez retrouver l'émission Cantal Dougalo avec Antonio et Mathieu. Et puis, suivi de 10h à 12h30 avec l'émission Le Téléphone Sonne. Donc, c'est à vous de faire l'émission entre 10h et 12h30 avec Lionel, Jérôme, Katia et Alex. Et puis suivi de tout simplement 12h30 jusqu'à 15h avec l'accordéon de nos régions avec Michel. Arc-en-ciel, c'est aussi ça.

Mimi avec Maurice Chevalier. Qu'ai-je donc dans la cervelle? Je me suis trompé de foulard. J'oublie de mettre des bretelles. Tout de même, c'est bizarre. J'ai dit bonjour mamzelle, l'autre jour au chef de gare. Toutes mes idées s'en mêlent, c'est l'amour qui m'égare. Mimi, mon beau petit bout de chou de rien du tout. Mimi, est-ce que tu m'aimes? Mimi, mon tout petit roux doudou d'un sou, je t'aime plus que moi-même. Mimi, quand un ennui me tracasse, je t'embrasse et ça passe. Mimi, si mes baisers valaient deux sous la paire, tu serais Mimi millionnaire. Vous vous rappelez de Louise, vous vous rappelez? Every little breeze seems to whisper Louise. Oh, mais elle n'avait pas ça, et ça, et ça, et ça, comme Mimi. Oh, Mimi. Vous vous rappelez de Valentine? Oh, Valentine. Ah, oh, j'avoue qu'elle était un peu là, avec son petit menton, et puis ses petits tétons. Et c'était pas Mimi. Oh, non, non, pas Mimi. Et les yeux de Lisette, le sourire de Rosette, la pudeur de Suzette, ma parade d'amour. Ah, oh, c'est facile à oublier pour Mimi. Et Mitzi, oh cette Mitzi, Mitzi, Mitzi, Mitzi, Mitzi. Croyez-vous qu'elle valait Mimi? Ma petite monde de Mimi. Oh Mimi, Mimi. Mon beau petit bout de chou de rien du tout. Mimi, est-ce que tu m'aimes? Mimi, mon tout petit roux doudou d'un sou, je t'aime plus que moi-même. Mimi, quand un ennui me tracasse, je t'embrasse et ça passe. Mimi, si mes baisers valaient deux sous la paire, tu serais Mimi millionnaire. Voici donc Redaker sur la route blanche. Je vous aime d'amour extrême, dimanche d'autrefois. Dans ma mémoire, c'est votre histoire que souvent je revois. Simple aventure pure, mais touchante pour moi. Sur la route blanche, un petit âne trottinait. C'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. Et la route blanche, sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs les fleurs en beau mail. Et ca, toujours au petit trot. Pour moi nous arrivions toujours trop tôt. Mais on augmente jusqu'à 130 le rythme des parcours. Sur des bolides lourds et rapides, on fonce, on file, on court. Et moi je songe, songe à l'âne des vieux jours. Âne trottinait, c'était un dimanche, tu nous emmenais promener. Parfois tu me prêtais le fouet, joyeux je le faisais claquer. Le petit âne s'en moquait, ça ne le faisait pas presser. La route blanche, sous ses sabots se déroulait. C'était un dimanche, dans les champs, les fleurs embaumaient. Et brancard, toujours au petit trot. Pour moi, nous arrivions toujours trop tôt. Est-ce comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc il est tout pile et bien déjà 16h. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de... Voilà donc, bien, n'oubliez pas que pour le samedi 2 février 2019, à partir de 20h, à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mamin. Et donc, il y a le final grand cours de chant avec le, la soirée hommage de spécial Johnny. Les joies de la belle saison. Que, justement, le président du jury avec Richie, le sosie officiel de Johnny, avec tout simplement chante Johnny et divers artistes. Il sera présent. Donc, eh bien, pour tous les renseignements, le 06 88 59 34 93. Donc pour aussi les réservations, tout simplement avec 3 fois www.appel45.org. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin. Voilà donc, et bien ça sera le samedi 2 février à la salle des fêtes de Saint-Privé. Saint-Privé. Le cœur à ses bavards, souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, pour respirer mes copains. Avec retour des chansons, tout simplement, et le titre s'appelle, pardon, La Chanteuse avant, ça s'appelle Odette Slore, et le titre Doudou, ma belle. Sur le chemin, le soleil décline, Doudou s'en va, le pied léger, qu'il ferait bon danser la biguine sous les feuillages d'un palmier. Dans ses paniers, les fruits se balancent, car au lieu d'aller au marché, elle a pensé qu'un petit tour de danse à 18 ans, c'est plus pressé. Doudou, ma belle, profite des beaux jours, les deux. Sur la Martinique, nous enivrons de mi-parfum. Doudou n'entend plus que la musique et son galant qui parle bien. Pendant qu'il danse d'un air très tendre, chacun se sert dans les paniers et les beaux fruits qu'elle s'en allait vendre sont dévorés jusqu'au dernier. Doudou, ma belle, profite des beaux. Que le jour se lève, Doudou revient à la la maison, la tête pleine de jolis rêves, les paniers vides sans raison. Sa mère crie, elle répond souriant, mamie, j'ai perdu tous les fruits. Mais à la place, j'ai le cœur qui chante, car j'ai trouvé un petit mari. Oui, mamie, doudou, ma belle, profite des beaux jours de les demoiselles, ne pense qu'à l'amour. Doudou, ma belle, quand un joli garçon vient. Voici donc Michel Richard. Tout dernièrement d'une femme du grand monde et je suis son amant. Elle vient de me dire en me tendant la main, chérie, rendez-vous demain. Maintenant je flâne dans Paris en pensant que tout me sourit. Sur mon chemin je vois tant de jolies fillettes que je me mets à fredonner le cœur en fête. À Paris toutes les femmes sont jolies, pour ne pas les aimer faut être fou. À Passy, Montmartre ou la Villette, elles ont toutes de quoi vous tourner la tête. Pour chacune on ferait des folies, et d'ailleurs il y en a pour tous les goûts. Allez-y messieurs, portez en quête, car si vous avez le chic pour leur faire les yeux doux, à Paris toutes les femmes sont à vous. Dans le petit salon de thé de l'opéra, je l'attends depuis 3 heures déjà. La demoiselle qui m'a servi me dit gênée, monsieur, nous allons fermer. Elle a les yeux pleins de douceur, elle est mignonne comme un cœur. J'étais venu pour retrouver une élégante et je repars avec la petite servante. À Paris, toutes les femmes sont jolies, pour ne pas les aimer, faut être fou. qu'elle soit mon aide ou midinette, elle porte tout aussi bien la toilette. Pour chacune on ferait des folies, et d'ailleurs il y en a pour tous les goûts. Allez-y messieurs, partez en quête, car si vous avez le chic pour leur faire les yeux doux, à Paris toutes les femmes sont à vous. À Paris toutes les femmes sont si belles, elles sourient toujours si tendrement, et y a tant de rousses, de blondes, de brunes, qu'il est bien difficile d'en aimer qu'une. Il arrive qu'elles soient infidèles, qu'elles trompent parfois leur amant, n'en gardant mes yeux point de rancune. C'est que toutes elles aussi, elles pensent certainement qu'à Paris tous les hommes sont charmants, qu'à Paris tous les hommes sont charmants. Journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Avec tiens. Tiens, une petite fleur qui montre son nez, disait le facteur, faisant sa tournée, tiens, dans l'espoir d'en verre, ce matin de mai, devant les ouverts, des refrains partaient. Aïe, comme l'air est doux, disait un trottin. allant travailler. Aïe, aïe, je donnerai tout pour un petit coin bien ensoleillé. Tiens, disait l'apprenti, comme la laitière me semble jolie dans son magasin. Tiens, disait le livreur, je trouve léger mon vieux triporteur, qu'y a-t-il de changé? Et dans le grand Paris, un petit frisson faisait tout frémir. Son beau képi, l'agent de faction lance des sourires. Tiens, qu'est-ce passe-t-il? Il y avait de la joie dans tous les yeux. Et le mois d'avril fait ses places à des jours tout bleus. C'était la saison des robes légères et de cœurs gourmands. Tout changeait d'horizon et le ciel plus clair chasse le tourment. Ah! Eh oui, c'est bon. Tiens, une petite fleur qui montre son nez, disait le facteur faisant sa tournée. C'était Voici le titre, s'appelle Marco Polo et c'est Georges Guédari. La voile blanche est signalée à l'horizon. Il se balance et il se penche, faisant plaquer son pavillon. Pour l'accueillir à l'arrivée, la ville entière a pavoisé et devant la foule en émoi sont rangés les tambours du roi. Voilà, voilà. Une chanson aux lèvres, une plume à son chapeau. Eh oh, voilà Marco Polo. Si le fort est en fièvre et si le vin coule à flot. Eh oh, c'est pour Marco Polo. Là, sur son voilier à trois mâts, le voilà parmi ses gars. Je le lis en cause éclat. Mais quand il aura débarqué, si les femmes vont rêver, bien des hommes vont se rappeler, car l'on dit que sur terre, il est fort entreprenant. Et oh, le bon Marco Polo, pour lui en grand mystère, la reine a même un penchant. Et oh, monsieur Marco Polo. Qu'il attend depuis si longtemps, il est venu comme autrefois, en lui chantant les cœurs en joie. Voilà, c'est moi. Une chanson aux lèvres, une plume à mon chapeau. Eh oh, c'est moi, Marco Polo. Je retrouve tes lèvres et le parfum de ta peau. Eh oh, et ton corps doux et chaud, viens. Puisque je n'aime que toi, tu partiras avec moi sur mon voilier à trois. Bien, bientôt je te montrerai les trésors et les secrets de la Chine et du Tibet. Je t'offre avec l'amour tout ce que j'ai de plus beau. Mon cœur, mon nom, la mer, mon bateau. Sinon le petit jour, nous voguerons sur les flots. Voici Voici donc Henri Decker, le titre « Jalousie ». Le destin qui te fit un beau matin croiser ma route, le désirait sans doute. Depuis, tout au long des jours et des nuits, de toi je doute et mon rêve s'enfuit. Lorsque tu viens te blottir au creux de mes bras, tes yeux ne peuvent mentir, mais je n'y crois pas. Sur mon souci, tu ris tout bas. Mais chérie, ne m'en veux pas. Mon cœur est jaloux malgré moi. Jaloux d'un regard vers un autre, d'un mot qui soudain fait trembler ta voix. Jaloux d'un frisson qui se glisse en tes doigts. Pourtant, quelquefois, si le soir je prends ce bonheur pour le nôtre, le jour, mon espoir, tu l'emportes avec toi. Et mon cœur est jaloux malgré moi. Mais c'est ce danger, j'en ai peur, qui nous lie si bien l'un à l'autre. Aussi, quel bonheur, mon amour, je te dois, si mon cœur est jaloux malgré moi. Voici donc la troisième dernière chanson de Charles Trenet. Voilà le titre qui s'appelle Dame au piano. Une dame qui joue là-haut fait des gammes sur son piano. Elle joue une mélodie signée peut-être Eric Satie. Cette dame qui se souvient sans réclame des jours anciens fut jadis pendant la guerre infirmière comme ma mère. À présent, où sont les blessés, les hôpitaux du temps passé? Saint-Major, aux yeux bons et francs comme l'or. Une dame qui joue là-haut fait des gammes sur son piano. Elle joue une mélodie, la mélodie de toute sa vie. Elle chante Vozzi Mezzo, la touchante romance en do qui module soudain en fa avec deux dièses par-ci par-là, do dièse et puis soudain ré. Très à l'aise, Gabriel Fauré sur sa chaise, prend sa tasse de thé, à Dieu ne plaise, il est en beauté. Après tout, il n'est pas si vieux, avec ses manches sous les yeux, qui s'effacent, qui lui vont mieux, quand il sourit, comme c'est curieux. Une dame qui joue là-haut fait des gammes sur son piano. Elle joue une mélodie, la mélodie de toute sa vie. Une dame qui joue là-haut. Et bien, pour faire un petit peu diversion, voici une chanson complètement absurde, il faut bien l'avouer. Mais enfin, on ne peut pas toujours planer dans les hautes sphères, n'est-ce pas? Alors, cette chanson s'appelle, elle s'appelle Le Gros Bill. Enfin, elle ne s'appelle pas ça comme ça toute seule, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. Et pourquoi Le Gros Bill? Eh bien, Le Gros Bill, parce que c'est l'histoire du Gros Bill qui revient dans son village natal, quelque part, du côté d'Ambly-sur-Meuse. Et alors là, à ce moment-là, tout le monde était émerveillé de le voir, il est splendide, il était parti assez famélique. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Fiacre à les trottinants, car un car il y a plein. Un fiacre à les trottinants, jaune avec un coche blanc. Derrière les stores baissés, car un car il y a plein. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. Puis une voix disant Léon. Tu dis à plein, puis une voix disant Léon, tu fais mal au ton leur nom. Un vieux monsieur qui passait, car un car tu dis à plein. Un vieux monsieur qui passait s'écrie, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix. Car un car tu dis à plein, ma femme dont j'entends la voix. Sur le pavé en bois, mais glisse sur le sol mouillé, car un carapuliable, mais glisse sur le sol mouillé, crac, le v'là escrabouillé. Du fiacre, une dame sort et dit, car un carapuliable, du fiacre, une dame sort et dit, ah, oh, chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, car un carapuliable, y'a plus besoin de nous cacher, donne donc 100 sous à ce cocher. Un fiacre à les trottinants, car un carapuliable, un fiacre à les trottinants, jaune avec un coche blanc. Voici donc qui sont deux, c'est les sœurs Étienne avec chacun son bonheur. Il faut à la rose

Juste un instant, Barbara avec Liberté, et puis voici, ils sont plusieurs, ce sont les compagnons de la chanson avec la valse des Lila. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, s'aiment. Souvenir abandonner ta vie, c'est qu'ils ne peuvent rien contre l'oubli. Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, s'aiment. Let me fall, let me climb. There's a moment when fear and dream must collide. Someone I am is waiting for courage. The one I want, the one I will become, will catch me. So let me fall, if I must fall, I won't heed your warnings, I won't hear them. Let me fall, if I fall, all the feelings may or may not rise. I will dance so freely, holding on to no one. You can hold me only if you too will fall. Thank you.